Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour cet été, je vous propose un pas de côté. Plusieurs pas de côté même, car je me joins à Pierre Chevel du podcast Soif de Sens qui propose depuis quelques années, pendant les vacances, une podcast partie. L'idée est simple, faire découvrir d'autres podcasts qui me plaisent, qui me nourrissent, qui me font grandir et que j'ai envie de vous faire découvrir. Et aujourd'hui, c'est le tour du podcast Nouvel Œil de Victoria Guillaumont que j'écoute régulièrement et qui donne la parole à Blanche de Richemont, une aventurière qui est à la poursuite de la lumière. C'est un échange vraiment passionnant que je suis content de vous faire découvrir. Bonne écoute. Il suffit de connecter avec cette sagesse et jamais se positionner en victime. Sans cesse se demander qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je suis en train de vivre. D'abord, viser le progrès intérieur. Tout ce progrès matériel, il vous sert à quoi ? On se trompe. À croire que dans nos belles maisons, dans nos beaux objets, toutes les sécurités, toutes les balises qu'on appose à nos vies, en fait, on a envie tous de réaliser ce qu'on est profondément. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie. Bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Oui, parfait, à tout de suite. Ah, bonjour. Bonjour, Victoria. Pardon, de mon retard. Il n'y a aucun problème. Je suis vraiment désolée. C'est un peu la course aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je suis embarquée. je suis embarquée. C'est alors, est-ce que tu veux un café, un thé vert, un chai ? Là, on peut être bien à côté de la bibliothèque. Là. Je ne vais pas faire les verres maintenant. Et oui, dans le désert. On n'a pas dans le désert. Il y a des personnes qui marquent l'histoire, qui nous font dire comment j'ai pu passer autant de temps sans savoir son existence. Il y a des personnes qui ont un destin digne de celui d'un personnage de roman, comme Blanche de Richemont. Quand j'ai découvert son nom, je suis tombée dans une boulimie de nourriture intellectuelle. J'avais besoin de tout lire, tout savoir, tout voir d'elle. Parce qu'il y a des périodes comme ça où garder le cap de la joie est une forme de résistance. Et Blanche de Richemont résiste. C'est une femme en avance sur son temps, pour qui l'essentiel réside dans la poursuite de la lumière. Elle balaye les banalités avec sa soif d'enchantement, transforme les habitudes en rituels et façonne le monde par sa façon d'être. En fait, Blanche, c'est une femme libre, parce qu'elle sait se passer de tout en cultivant un désert en elle-même. Qu'est-ce qu'un retour à l'essentiel ? Doit-on nécessairement sortir de notre confort pour se découvrir ? Qu'est-ce que permet le silence ? Qu'est-ce qu'avoir du courage ? Je suis arrivée chez Blanche avec tellement de questions. Pour elle, c'est l'adhésion profonde à la vie qui la rend fascinante et imprévisible. Alors oui, ça donne des existences plus vertigineuses, mais certainement plus vives. Vivre ou vivoter, à nous de choisir. Avec Blanche dans cet épisode, on parle de désert, de courage et de silence. Je ne sais pas comment t'inviter à écouter cet épisode jusqu'au bout, tant il est précieux. Mais quelle que soit la durée de ton attention, j'espère que cette écoute t'aidera à vivre plus qu'à vivoter. Sois bien, comme ça, moi, je... T'as besoin de rien, Victoria ? Non, tout est bon, là. Et toi ? Non. Oui. C'est parti ? C'est parti. Génial. Let's go. Bonjour, Blanche. Bonjour, Victoria. Je suis ravie d'être accueillie chez toi depuis le temps qu'on attend cette rencontre et que je la prépare aussi après avoir lu, je crois, peut-être au moins les trois quarts de tous tes livres. Et il y en a eu. Donc, je suis vraiment très honorée d'être en face de toi. En quelques mots, tu es écrivaine, tu es journaliste et surtout une grande voyageuse. J'ai envie de te demander comment est-ce que tu vas aujourd'hui. Ah ben, je vais très bien. Je pars au Népal dans un mois. Donc, je suis très heureuse, mais je ne vais pas bien parce que je pars au Népal, même si ça aide. Je vais bien parce que je vais bien, sans raison. Je n'ai même pas eu de bonnes nouvelles, d'ailleurs. Et c'est un peu ma quête, c'est mon nouveau défi, ma nouvelle aventure, c'est d'aller bien sans raison. c'est souvent on va bien parce qu'il se passe des belles choses, parce qu'on a des bonnes nouvelles, parce qu'on a eu des belles rencontres. Et juste aller bien sans raison, je trouve que ça c'est assez magique. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Moi j'y arrive pas tous les jours, hein, du tout. Je reste humaine, il y a des jours avec et des jours sans. Exact. Il y a une question que je pose à tous mes invités en introduction, c'est qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? Que l'on peut toujours trouver refuge dans le silence. Dans ce silence qu'on a au cœur de soi, il y a une immense lumière qui peut toujours nous cueillir, nous aider, nous porter. Par une façon d'être au monde et par un regard qu'on porte sur la vie, on peut briser tous les murs. Ce silence, tu l'as beaucoup appris dans le désert. Mais avant cette rencontre, tu as fait une hippocagne, puis un DEA en philosophie à la Sorbonne, sur le sublime notamment. Comment est-ce que tu envisageais ta vie à cette époque-là ? On parlait tout à l'heure, toutes les deux, de cette notion de vie des grands, de la vraie vie. Comment est-ce que tu voyais la vraie vie à cet âge-là ? Alors, à 6 ans, j'ai décidé de vouer ma vie aux rêves, donc je l'ai dit à ma mère. À 11 ans, j'ai ouvert un compte en banque pour réaliser mes rêves, qui étaient de partir en Égypte. Et en parallèle, je voulais être comédienne. Donc moi, j'ai fait un DEA de philosophie, mais en parallèle, je faisais des études de théâtre très poussées pour devenir comédienne. C'était vraiment ma passion, mon rêve, hein, d'aller balader le rêve justement de village en village. Donc c'est comme ça que j'envisageais ma vie. Et puis, j'ai découvert le désert, j'ai découvert le silence, et ça a tout changé. Comment tu l'as rencontré, le désert ? Eh bien, un mois après la mort de mon frère, de mon petit frère qui avait 15 ans, je suis partie dans le désert du Sinaï en Égypte. Et j'ai mis les pieds dans ce désert au milieu de la nuit. On venait d'arriver de l'aéroport directement dans le désert, 2 heures après. Et là, sous les étoiles, dans le froid, près des hommes et du feu, j'ai su que j'étais faite pour cette vie-là. Mais immédiatement, en fait, j'ai su que c'était... Alors c'était assez incroyable parce que d'un côté je vivais une petite mort avec le deuil, et d'un autre côté je naissais à mon âme quoi en fait, je naissais à ce pourquoi je me sentais faite. Qu'est-ce que tu ressentais précisément ? Un sentiment d'appartenance ? Non, d'évidence. C'est que justement avant de commencer ce podcast, on a parlé de ce que c'est que la vraie vie. Là on touche à une vérité de la vie, à l'évidence que la vie dans toute sa vérité, dans toute sa puissance, elle est là. Dans ce dénuement, dans cet épure, dans cet essentiel, elle est là. Et que là, il y a un secret que j'ai essayé de percer, et je n'ai pas fini de percer, et que je ne percerai jamais, mais qu'il y a un secret là, sur ce qu'il y a de plus puissant sur Terre, c'est-à-dire une Terre nue, un espace nu pour la lumière. Cet espace, il est aussi en soi, et donc il fait écho à quelque chose d'essentiel en soi. Et ça, on passe son temps à le chercher. Un espace en soi où l'on respire, où que l'on soit, quoi qu'il arrive. Et peut-être que le désert m'a appris à ne plus avoir besoin de partir dans le désert, justement pour que cet espace nu pour la lumière, il existe en moi. Et donc, quand je suis rentrée dans le désert la première fois, j'ai découvert ce que c'était que la liberté, c'est-à-dire savoir se passer de tout. Et depuis cette rencontre avec le désert, tu n'as plus jamais envisagé ta vie de la même manière. Tu n'as jamais emprunté finalement les routes classiques, comme on les appelle. En 2005, tu es partie pendant 2 mois marcher 800 km avec une caravane de sel dans le désert du Mali. Et aujourd'hui, ça fait plus de 23 ans que tu arpentes le Sahara et que tu transmets justement ce que t'apprends, le désert. Tu dis, dans le désert, il n'y a que l'essentiel pour vivre. Qu'est-ce que ça permet, un retour à l'essentiel ? Ah oui, clairement, c'est très intéressant parce que quand on part dans le désert, on apprend à se passer tout ce que je viens de dire tout à l'heure, mais physiquement, moralement, intérieurement. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun support. On n'a plus le confort, on n'a plus les personnes qui, dans la vie quotidienne, nous accompagnent. On n'a plus le moyen de fuir, et par la télé, et par la radio, et par les soirées, et par la musique, et par rien. Rien que le silence, et les mots qui comptent, les mots limités à l'essentiel. Et donc, on découvre ce que c'est que de vivre sans support, quelque part, sans béquille. Et quand je dis que c'est un retour à l'essentiel, c'est surtout à cette force infinie qu'on a en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est 100 fois plus capable qu'on l'imagine et qu'on ne peut pas résumer notre vie à nos besoins, limiter nos vies à nos besoins et qu'on est 100 fois plus large que ça. Et c'est extraordinaire de sentir à quel point on est plus fort qu'on l'imagine, à quel point on est capable. Et encore une fois, dans cette capacité à être au-delà de nos cases, au-delà de nos limites, au-delà de nos besoins, c'est très à la mode hein, de dire « dis-moi tes besoins », mais non, je ne vais pas me limiter à mes besoins, je ne vais pas me résumer à mes besoins, je suis 100 fois plus capable que ça. Et dans cette puissance-là, il y a quelque chose de mystérieux. Et ce mystère, c'est ce désert en soi, cette part en nous-mêmes qui nous échappe, qui nous anime, qui nous porte, c'est une flamme intérieure, et qui fait qu'on se rend compte à quel point on peut tout traverser en fait. On y arrive. Mais avant de ressentir justement les bienfaits de cette mise à nu, finalement, il y a peut-être une phase qui est aussi inconfortable parce qu'on n'a pas l'habitude forcément de se détacher de tous ces biens matériels. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te sentais déstabilisée ? Bon, on est toujours inconfortable, on est toujours déstabilisé. Parce que quand vous êtes en silence, dans une terre de silence, c'est très déstabilisant parce qu'on se rend compte tout le bruit qu'on a dans nos têtes, toutes les pensées qu'on a dans sa tête qui sont sans aucun intérêt pour la majorité du temps. Et moi, j'avais fait un DEA de philosophie, donc j'étais persuadée que j'allais voir des pensées belles et profondes sur l'existence quand je suis partie dans ma caravane de sel. Et je pensais qu'il y a des banalités, je pensais qu'il y a mes boîtes de thon et mes boîtes de sardines. Je me disais quand même, avoir fait tant d'études pour en arriver là, c'est quand même dommage, quoi. Et puis d'être dans le désert pour avoir des pensées qui tournent en rond comme ça. Donc ça, c'est très désagréable, on se déçoit un peu soi-même. Donc on est dans l'inconfort psychique, on est dans l'inconfort physique, parce qu'on dort par terre, à la belle étoile. Mais sans cet inconfort-là, on n'a pas besoin d'aller chercher en nous des ressources immenses. Quand tout va bien, on n'a pas besoin d'aller creuser en nous-mêmes toutes ces ressources. Donc l'inconfort, il est nécessaire en fait. Et je pense que beaucoup de personnes en fait le cherchent à sortir de leur confort pour se découvrir. On ne peut pas se découvrir dans un canapé, même si je vous parle de mon canapé. Mais... Il n'y a que dans l'inconfort qu'on peut aller puiser en nous-mêmes des ressources profondes. Ah oui, mais ça c'est certain. C'est parce que vous êtes obligé d'aller explorer d'autres ressources. Sinon, quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, on savoure, quoi, on profite. On ne va pas aller chercher autre chose, à moins que tout aille trop bien et qu'on s'ennuie, mais cet ennui devient un inconfort. Et donc, on va chercher une autre dimension au cœur de cet ennui-là. Donc, l'ennui est un inconfort, donc on reste dans l'inconfort quand même. L'inconfort est peut-être psychique. Là-dessus, on se trompe à croire que dans nos belles maisons, dans nos beaux objets, dans toutes les sécurités, toutes les balises qu'on appose à nos vies, tout ça, ça va faire qu'on va être content, qu'on va y arriver. En fait, on a envie, tous, de réaliser ce qu'on est profondément. On a tous envie d'aller chercher, de suivre une étoile qui nous porte, qui nous anime, qui nous aide à nous lever le matin. Juste des réalisations matérielles ne nous suffisent pas et tous les êtres humains le disent. Il suffit de voir le regard des gens. Ce qui brille, c'est ce qui vise une étoile, en fait. Pourtant, c'est précisément ces réalisations matérielles qu'on qualifie comme la vraie vie, depuis qu'on est tout petit. C'est vrai. Et je suis partie pendant 3 ans suivre l'enseignement d'un sage en Inde qui s'appelait Vijayananda, qui était le disciple de l'une des plus grandes saintes de l'Inde du XXe siècle, qui s'appelait Manandamayi. Tu en as écrit un livre qui s'appelle Le souffle du maître. Exactement, je raconte comment son enseignement a résonné sur ma vie, parce que je faisais des va-et-vient entre lui, ce vieux sage qui était un grand rishi, un maître de l'humanité, et ma vie parisienne. Et à l'époque, je sortais tous les soirs avec des copains et tout. Donc, il y avait un vrai contraste entre les deux. Tu avais quel âge ? J'avais 30 ans. Et auprès de lui, j'ai découvert que nous étions sur Terre pour trouver la joie. Vijayananda, ça veut dire la victoire de la joie. Manandamayi, ça veut dire la mère de la joie. Pour eux, pour les hindous, réaliser cette joie qu'on a en nous, c'est le but ultime d'une vie. La joie est la trace du divin sur Terre. Chaque moment de joie, en fait, c'est un moment d'amour. Chaque moment de joie, chaque moment d'amour, c'est la trace du divin sur Terre. Et tout le reste, c'est du blabla. Mmh. L'objectif est donc de cultiver cette joie. Alors, la vraie vie, c'est de la cultiver, envers et contre tout. Comment donc, la cultive ? Bon, ça, c'est la quête d'une vie. Je pense que on est dans une époque qui cherche à donner des recettes. Je pense que chacun a sa voie, chacun a son chemin. Moi, je suis passée par le désert. Je ne pense pas qu'il faille absolument aller dans le désert pour trouver la joie. Je pense qu'il faut déjà décider, d'abord, que la joie soit le cœur même de notre vie. Quand je dis la joie, ça veut dire cette profondeur de l'être, cet apaisement intérieur, cette harmonie qui fait que, quoi que l'on vive ou que l'on soit, on peut chanter dans les ténèbres. On peut, au lieu d'accuser l'ombre, devenir une lumière en plus. Au lieu d'allumer des bougies dans les tunnels, être la flamme qu'on aspire à avoir, à voir. Donc, c'est une décision profonde de ne pas se lamenter, de ne pas se complaire, de ne pas être désenchanté, de faire de la résistance lumineuse, comme je l'appelle. Et je pense qu'à partir du moment qu'on prend cette décision, moi, je vais faire de la résistance, je ne me laisserai pas désenchanter. Dire aux larmes, vous avez, dire à la tristesse, vous avez mes larmes, mais vous n'aurez pas ma joie. Même si je pense que c'est hyper important de pleurer, de crier, de dire qu'on en a ras-le-bol, mais pas d'y rester. Pas de dictature au bonheur. Accepter ce que l'on ressent, tout ce qu'on ressent, c'est juste. Tu y arrives ? Tu pleures ? Ah oui, bien sûr, oh là là. Ah oui, non, mais moi, ça m'énerve quand je suis triste, qu'on me dise « sois pas triste ». Ou quand j'ai peur, qu'on me dise « n'aie pas peur ». Je dis bah, « puisque j'ai peur, puisque je suis triste, laissez-moi avoir peur, laissez-moi être triste ». C'est parce que j'accepte ce que je ressens que je peux après évoluer, que je peux après transmuter, que je peux après transformer. Mais il faut déjà que j'accepte et que j'accueille, que je me sente libre de ressentir ce que je ressens. C'est nécessaire, quoi. Sinon, on vit à moitié, on s'empêche de vivre ce qu'on ressent. Donc, je pense que pour trouver la joie, il faut d'abord le décider. Que c'est l'axe essentiel de sa vie. Car la joie, c'est la part la plus profonde, la plus essentielle, c'est ce qui veille au cœur de nous. Manandamayi disait « Sans la joie, la vie est un supplice. Il faut découvrir cette joie pure qui a engendré notre être et qui est l'essence même de notre être. » Voilà, donc c'est l'essence même de notre être. Et à partir de là, que chacun suive le chemin qui lui parle le plus. Et toi, ce qui t'aide à comprendre l'essence même de notre être, c'est aussi l'écriture, tu écris beaucoup. Elle est très vite venue à toi, tu as publié en 2024 ton premier livre « Éloge du désert » avant d'en écrire 14 des livres. Et dans ton dernier livre « La fille du désert », tu transmets le souffle d'Isabelle Eberhardt qui, elle, était en permanence en quête de joie et de liberté, justement. C'était une grande nomade qui traversait le désert habillée en garçon et qui aimait le silence et aussi un homme, éperdument. Tu rêvais d'écrire ce livre sur Isabelle depuis 20 ans. Et tu l'as enfin écrit. Qu'est-ce qui te fascine tant chez cette femme ? Ce qui me fascine chez elle, c'est deux choses. La première, c'est que, tu l'as dit, hein, elle traversait le désert habillée en garçon, donc à 20 ans, oser en 1900 partir dans le désert, se déguiser en homme pour vivre libre avec les nomades, s'installer seule dans un village au milieu du désert, ben, qui ose ça ? Quelle force mentale, quelle force d'âme, quelle fidélité à son rêve ! Plein de gens ont des rêves et puis ils se donnent des bonnes excuses pour ne pas les réaliser. C'est pas leur faute. S'ils ne les réalisent pas, c'est à cause de ci, de ça, de ça, de ça. Elle s'est donné aucune excuse pour ne pas réaliser son rêve. Elle l'est allée, elle a tout osé. Faut-il aussi ne pas avoir peur de tout perdre ? Donc c'est cette force d'âme-là qui me fascine chez elle. Mais pas que parce qu'elle a réalisé ça, mais aussi parce que, évidemment, en 1900, t'imagines, et même à notre époque aujourd'hui, hein, c'est pas très accepté ce genre de mode de vie. Parce qu'elle ne rentre dans aucune case et toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, cherchent à mettre les gens dans des cases et veulent des cases, des repères, des normes. Donc elle explose tout ça. Elle a été humiliée, rejetée, expulsée. Elle a vécu une tentative d'assassinat, elle a vécu dans une misère totale. Et quoi qu'il arrive, elle n'a jamais cessé d'aimer la vie. Quoi qu'il arrive, elle n'a jamais cessé d'aimer l'homme qu'elle aimait. Qui lui est aussi, quel courage pour un homme d'aimer une femme qui s'habille en garçon, qui vit comme un légionnaire, qui passe sa vie avec les légionnaires, qui boit et fume comme un légionnaire. Et enfin, qui a une telle soif de liberté. et qui a une telle soif de liberté. Et ils lui disent, puisque je t'aime, vas-y, va vivre ta vie. Mais quel homme, en fait, même aujourd'hui, quel homme aime si totalement, si entièrement, sans vouloir la changer, qui l'accepte aussi totalement, qui aime comme ça. Même moi, je suis pas sûre de pouvoir aimer comme ça. Et donc, c'est vrai que ça me fascine, cette force d'âme, cette liberté d'être capable d'aimer plus fort que toutes les douleurs, que toutes les normes, que toutes les cases. Et même à terre, elle visait une étoile, Isabelle. C'est-à-dire qu'un soir, à Marseille, après qu'elle ait été expulsée d'Algérie, éloignée de l'homme qu'elle aimait, elle voit un ciel de crépuscule et elle se dit « Oh, qu'il est beau ce crépuscule. Il doit être pareil dans le désert, que c'est beau la vie. » Elle est là, elle n'a plus rien. Elle vit dans une misère terrible avec son frère qui s'entend très mal. Tout va mal et elle sait s'émerveiller quand même. Et moi, je trouve ça assez magnifique parce qu'elle n'a fait que souffrir à cause de sa vie différente et de sa façon d'être tellement différente. Et elle dit « Mais moi, je ne comprends pas que la douleur ferme le cœur. Je pense qu'au contraire, elle devrait ouvrir le cœur de plus en plus. » Voilà. Toute sa douleur, elle en a fait plus d'amour pour un homme, pour le désert, pour la vie, pour les gens qui passent. Et moi, ça me fascine. Et toi qui as suivi de près sa vie, est-ce que tu arrives à expliquer aujourd'hui une telle force d'âme qui caractérisait Isabelle Eberhard ? Elle avait la foi. Elle était une grande mystique, Isabelle. Elle s'est convertie à l'islam, au soufisme. Je pense que l'âme puise sa source dans le mystère. Il faut pouvoir aller chercher recours dans autre chose que la vie matérielle. Et quand on en a parlé en début, hein, au début, mais quand on a ce désert en soi, cette puissance en soi, ce sanctuaire intérieur, si je puis dire, alors, et qu'on le nourrit tous les jours, alors on a la force pour tout traverser. Mais je pense que sans cette dimension-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on attend trop de la vie. Et quand on attend trop de la vie, eh ben, elle nous déçoit toujours. Donc on souffre tout le temps et on se laisse faiblir. Mais quand on attend plus de quelque chose en nous qui est plus puissant que nous, un au-delà au cœur de nous, si je puis dire, je ne sais pas si c'est clair, alors on peut tout traverser parce que finalement, il y a une forme de détachement vis-à-vis des choses de la vie parce qu'on est porté par quelque chose de plus grand. Mais ça, encore une fois, ça peut prendre toutes les formes. Elle était soufie, mais il y a des gens qui vivent ça sans pour autant rentrer dans le cadre d'une religion spécifique. Hein. Toi, quelle forme ça prend ? Voilà, moi, je suis très croyante. J'ai donc été auprès d'un sage en Inde pendant 3 ans, donc j'ai appris à méditer auprès de lui, donc je médite tous les jours. Donc ça prend la forme de la méditation et du silence. Tous les soirs, je reste en silence. Mais je vais aussi dans les églises. Je me penche beaucoup aussi sur le soufisme. Donc moi, c'est la quête de la grande sagesse, de la plus haute spiritualité dans les textes et par le silence. Donc, c'est la mystique qui me fascine. Et là, j'ai été auprès d'une femme maître soufie dont je parle dans La fille du désert, qui est une femme exceptionnelle. Et j'ai compris que la plus haute spiritualité, c'est l'amour dans les détails. Et je pense que finalement, tout le reste, c'est vain, en fait. C'est des grands discours. Et voilà, je pense que c'est ça, nourrir son âme et nourrir sa lumière intérieure. Bon, ça fait un peu cucu quand je dis nourrir sa lumière intérieure, parce que ce genre de phrase, c'est un peu galvaudé, mais on a tous cette flamme en soi, et la nourrir, c'est chaque jour pratiquer des gestes de lumière. Même dans, comme disait Thérèse d'Avila, Dieu réside aussi dans les casseroles. Même quand on fait la cuisine, mettre de l'amour là. Et tu emploies même une autre expression, un autre mot, si on peut dire, c'est celui du progrès intérieur. Au cours de tes différents voyages, justement dans le désert, tu as réalisé que la grande aventure, elle était d'abord intérieure. Et pour toi, le véritable progrès, il passe justement par ce progrès intérieur. Est-ce qu'on progresse dans le silence ? Alors, pour moi, oui. Après, je pense que chacun a sa voix. Mais bon, toutes les traditions spirituelles depuis la nuit des temps laissent une place au silence. Donc, je pense qu'il est quand même une clé parce qu'il sort justement du dogme. Il sort de toutes les paroles, il sort de tous les commandements, il va au-delà. Il y a un espace en nous qui est plus puissant que tous les beaux discours. Le progrès passe d'abord par un progrès intérieur, parce qu'on ne peut pas faire avancer le monde si on n'a pas avancé nous-mêmes. Bon, alors, le monde avance quand même avec des gens qui ne sont pas du tout avancés eux-mêmes. Mais, on ne va pas citer de nom, mais on sait tout ce qui se passe en ce moment. On ne dira pas de nom, mais je ne crois pas que ce soit des avancées qui fassent grandir l'homme. Ce qui me subjugue aujourd'hui, bon, c'est pas le sujet, l'intelligence artificielle, mais quand même, c'est intéressant parce qu'on estime que toute l'intelligence doit être maintenant créée par une machine. Alors, j'ai deux petits garçons, mon fils aîné, je l'encourage beaucoup à lire, et évidemment, il n'est pas très motivé, enfin, évidemment, non, mais bon, il n'est pas très motivé, et je lui dis, mais il me dit, mais j'ai lu ce livre. Alors, je dis, bah oui, mais c'est un livre demandé par l'école. Et il dit, bah oui, je n'étais pas obligée de le lire, il suffit que j'aille sur Internet, j'ai le résumé, je n'ai pas besoin de le lire. Et alors là, j'ai eu une révélation, et je me suis dit, mais parce qu'il m'a dit que tous ses copains, évidemment, ne l'avaient pas lu et avaient été sur Internet. Et j'ai dit, en fait, l'humanité estime qu'on n'a plus besoin de progresser, nous. Lire, faire du latin, faire des maths, avancer, se cultiver, pratiquer le silence, marcher, se nourrir, apprendre. Tout ça, c'est fait pour quoi ? Pour nous faire évoluer, pour nous aider à évoluer, nous. C'est pas fait pour être efficace. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris que toute la connaissance, c'est fait pour faire grandir l'homme et pour que l'homme franchisse un pas de plus. À quoi bon être efficace ? Pour en faire quoi ? Donc, c'est ça mon grand cheval de bataille aujourd'hui. Je dis, mais d'abord, visez le progrès intérieur. Tout ce progrès matériel, il vous sert à quoi, en fait ? Est-ce que vous êtes plus lumineux ? Est-ce que vous êtes plus amoureux ? Est-ce que même les jeunes font plus l'amour ? Est-ce que vous aimez plus ? Est-ce que vous voyagez plus ? Est-ce que vous vivez plus grand, plus haut, plus fort ? Est-ce que vous riez plus ? C'est ça, le grand progrès. Et alors, la vraie vie, c'est quoi pour toi, finalement ? La vraie vie, c'est suivre la voie de son âme. La vraie vie, c'est justement vivre au plus haut de soi-même, dans la voie qu'on a choisie. C'est chaque jour, que chaque jour soit un pas de plus. Oui, on en parlait tout à l'heure, je disais, mais quand j'avais été donner une conférence dans une salle avec des néons sous la pluie en Belgique, face à un parking, enfin c'était glauque, je raconte ça à un ami qui me dit, ben, bienvenue dans la vraie vie, c'est pas toujours le désert la vraie vie. Je dis, ben bon, et pourquoi ? Pourquoi ce serait pas toujours la beauté la vraie vie ? Pourquoi la vraie vie c'est forcément glauque ? Pourquoi la vraie vie c'est forcément triste ? La vraie vie, c'est autant les larmes que la joie, c'est autant les rires que les cris, c'est autant l'amour que la solitude, ou même peut-être l'amour dans la solitude, et peut-être parfois la solitude aussi dans l'amour. C'est toute cette nuance de possible, c'est tout cet infini de spectres et de lumières possibles, de schémas possibles à exploser, à réinventer. C'est la vie sauvage aussi, la vraie vie, c'est pas qu'une vie entre quatre murs, non. Elle est beaucoup plus large que ça. Donc la vraie vie, c'est la vie qui est en adhésion avec son âme. Et là-dessus, ça appartient à chacun. Se dire, est-ce que ma vie me ressemble ? Si pour moi, la vraie vie, c'est regarder Netflix, bon, bah d'accord, mais j'y crois pas. Je crois qu'en fait, tout le monde a envie de réaliser quelque chose de grand dans sa vie. Et quelque chose de grand, ça peut juste être cultiver son jardin. Ça peut juste faire qu'une plante... Bon, moi, j'ai une énorme plante, là, qui se casse la gueule, mais... Elle est trop belle. Elle va jusqu'au plafond, elle se casse la gueule, mais c'est la rendre belle, la rendre grande. Enfin, c'est quelque chose de... Voilà, chaque jour, un pas de plus. Mais ça nécessite du courage de s'autoriser à vivre cette vraie vie, parce que bien souvent, elle nous pousse à sortir des clous. Tu en as d'ailleurs écrit un livre, « Allez, courage ». C'est quoi pour toi, le courage ? Le courage, c'est agir avec cœur. Le courage, c'est un... Le mot « courage » est un dérivé du mot « cœur ». Donc, c'est le même mot hein, dans l'ancien français, le mot courage et le mot cœur, c'est le même mot. Donc avoir du courage, c'est avoir du cœur. Avoir du courage, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose avec enthousiasme, avec cœur, avec amour, vous le faites avec courage. À la base. Hein, donc je pense qu'il faut du courage pour ne pas se laisser éteindre. On m'a dit, mais t'avais du courage de partir vivre avec des contrebandiers, t'avais du courage de partir faire cette caravane de sel ou de partir dans des campements touareg et tout. J'ai dit, mais c'est pas du courage, je faisais ce que j'aimais, je faisais ce qui me ressemble. En revanche, peut-être faire les devoirs et le dîner tous les soirs à la maison avec mes fils, ça peut parfois me demander du courage, parce que c'est rentrer dans une routine, dans un train-train qu'il faut quand même enchanter. Il faut quand même accompagner, il faut quand même mettre de l'amour quand on a juste envie d'autre chose, envie d'ailleurs, envie de voyage, envie d'évasion. Mettre de l'absolu dans le quotidien, oui, ça demande du courage, mais pas tant que ça, en fait, si quelque part on façonne cette façon d'être au monde, c'est-à-dire que chaque jour, on cherche à l'augmenter, cette vie. Et ça peut être que par notre façon d'être. Et elle est nécessaire, cette routine aussi, parfois ? Moi, la routine, je ne la connais pas. Tu ne l'as jamais connue ? Non. J'élève toute seule deux petits garçons et je ne sais pas ce que c'est que la routine. Je trouve que c'est tous les jours différent. Et puis, je transforme les habitudes en rituels. Pour moi, il n'y a pas d'habitude, il n'y a que des rituels. C'est-à-dire que chaque chose que je fais, j'y mets du cœur. Enfin, j'essaye, hein. Mais quand même, de plus en plus, c'est, je trouve que tout s'enchante et qu'il n'y a pas, il y a plus de banalité. C'est absolu dans le quotidien que je trouve intéressant. Et quelque part, ça fait 25 ans que je traverse le désert pour que ce ciel parvienne, tombe en moi, dans mon cœur, et que ce soit du petit bout de ciel dans la vie quotidienne, dans ma façon d'être. Et à partir de là, je suis libre du voyage. Il y a un rituel qui te suit partout, c'est celui de l'écriture que tu pratiques tous les matins, comme Isabelle le faisait, donc depuis que tu as voyagé dans le désert, tous les jours, pour faire comme elle, tu n'as jamais arrêté d'écrire. Qu'est-ce que ça permet, l'écriture, finalement ? L'écriture, ça permet de se voir en face. Ça permet aussi de pouvoir dire l'inavouable. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a dans nos têtes qui sont vraiment inavouables. Enfin, on peut le dire à personne. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi. Grâce à l'écriture, on peut être face à soi-même, se dire sans limite, sans jugement, sans condamnation, de manière totalement libre. Et je trouve que ça, c'est assez extraordinaire. Cette liberté-là, ça permet de ne pas garder au fond de soi des mauvaises pensées ou des belles pensées qui restent finalement dans le secret de notre âme et qui pèsent sur notre cœur. Et puis, René Char disait que la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Ça permet d'être en conscience, d'être lucide. Encore une fois, moi je pense que c'est important de ressentir tout ce qu'on ressent, de s'autoriser à tout ressentir, mais pas se faire croire des choses qui ne sont pas vraies, pas être dans le déni, être dans une forme de vérité face à ce qu'on vit. Et l'écriture, elle permet ça. Alors c'est une blessure, parce que ce n'est pas facile de se voir en face, mais c'est proche du soleil, parce que c'est la condition pour grandir, pour évoluer. Tu continues d'écrire tous les matins ? Tous les jours. Tous les jours. Et est-ce que tu fais ça dans le silence ? Pour toi, toutes les œuvres d'art, elles naissent justement dans la solitude et le silence ? Pour moi, oui, je suis incapable, j'ai besoin d'un grand silence pour écrire. Et d'ailleurs, je me nourris de silence pour pouvoir écrire, pour que mes mots viennent du silence. C'est mon aspiration. La solitude, pour moi, elle est nécessaire aussi. Mais je connais des écrivains qui n'écrivent que dans des cafés avec du bruit tout autour, donc je pense que chacun a sa voix. Dans ton livre « Manifeste vagabond », tu t'interroges sur le voyage immobile et tu évoques le vagabondage comme une façon d'être au monde. Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les rituels, c'est-à-dire que je pense qu'on peut ouvrir chaque matin ses volets en se disant « aujourd'hui je marche, aujourd'hui est un pas de plus, aujourd'hui j'explore, aujourd'hui j'apprends, chaque jour est un voyage. C'est ici et maintenant que commence le voyage, dans ma façon d'être, ma façon de regarder, ma façon d'explorer, ma façon d'être capable de m'émerveiller chaque jour. Et moi chaque jour m'émerveille, où que je sois. Et je pense que c'est ça être un vagabond, c'est se laisser transformer par le jour qui passe, par l'instant qui passe, par les rencontres, par un vol d'oiseau, par un rayon de soleil, par des choses extrêmement simples. Et je tiens à dire que ces choses doivent être extrêmement simples, parce que ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce qui reste de nous quand il ne reste plus rien. Alors c'est un peu l'idée du désert, c'est ce qui reste de la terre quand il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui reste ? Je l'ai dit tout à l'heure, cet espace nu, plein de lumière, mais pour nous dans nos vies. Qu'est-ce qui va rester de nous ? Imaginez, demain, vous tombez très malade, vous êtes 15 jours alité, ou vous ne pouvez plus bouger ni marcher, n'importe quoi. Si vous savez regarder par la fenêtre et vous laisser émerveiller par le ciel, ben vous êtes sauvé. Voilà. Ce n'est pas un objectif réalisé, ce n'est pas une rencontre géniale, ce n'est pas n'importe quoi. C'est juste la liberté d'être sauvé par un moment de paix, un moment de joie, un moment de grâce. Parce que vous regardez juste par la fenêtre. Quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est ça peut-être la grande liberté. Aujourd'hui, tu habites à Paris. Est-ce que tu arrives à cultiver cet émerveillement, même au sein d'une grande ville ? Ah mais oui, surtout. Mais c'est surtout au sein d'une grande ville que ça devient comme un... Une nécessité absolue. C'est-à-dire qu'il faut survivre au macadam, il faut survivre au mur et à la pierre. Mais c'est plus difficile de s'émerveiller en ville qu'en nature ? Ah oui, pour moi, oui. Mais pour moi, dès que je suis dans la terre, je suis sans cesse émerveillée, mais sans cesse. Je suis complètement niaise quand je suis en pleine nature. Mes fils se moquent tout le temps de moi, parce que j'arrête pas de leur dire « mais regardez ». Mais en ville, bon, alors après, j'habite à Paris, donc c'est quand même une des plus belles villes du monde, donc j'ai de la chance. Mais je m'interroge parfois quand je vois les HLM le long des voies ferrées, dans ces endroits vraiment tristes à mourir, et je me dis comment ils font, eux, pour s'émerveiller tous les jours. Et je suis sûre que même pour eux, c'est possible. Où que l'on soit, c'est possible. Où que l'on soit, il y a toujours le ciel. Et on devient ce que l'on regarde. Et pourquoi ce choix de vivre ici, finalement? Toi qui aimes tant les grands espaces et notamment le désert. Parce que j'ai deux petits garçons et que leur père est là, et que la famille est là, et que Paris, c'est le meilleur tremplin pour partir au bout du monde, parce que tout est possible, tout est à proximité pour partir loin, prendre un avion, un train. Donc c'est vrai que ça rend le voyage à portée de main tous les jours. Donc ça j'aime bien. Et tu dis quand même qu'il y a des périodes comme ça où parfois c'est plus compliqué, et où garder le cap de la joie est presque une forme de résistance. Est-ce qu'il faut du courage pour ne pas succomber au désenchantement, surtout dans ces temps qu'on connaît qui sont assez anxiogènes? Oui, il y a une sagesse qui veille au cœur de tout. Il suffit de connecter avec cette sagesse et jamais se positionner en victime. Sans cesse se demander « qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je suis en train de vivre ?» J'ai perdu mon petit frère qui avait laissé un mot. Au moment de mourir, il avait décidé de quitter la vie, où il avait dit « la vie est belle, mais 3 petits points ». Et moi, j'ai décidé d'arracher ce « mais », de lui montrer que la vie était belle, et je pense que c'est à ça que sert l'immense douleur, à tout laminer pour qu'il ne reste que la voix de notre âme, et qu'on réalise ce pourquoi on se sent fait, parce que là, il n'y a plus rien qui tient, en fait. Hein. Plus rien ne tient. Et j'ai réalisé en chemin que, en fait, l'initiation, c'est pas la vie est belle, c'est la vie est. Que la vie, elle est belle, elle est magique, elle est triste, elle est merveilleuse, elle est banale, elle est vulgaire, elle est tragique, elle est incroyable, elle est merveilleuse, elle est tout et son contraire, la vie. Et en fait, l'accepter telle qu'elle est profondément, dans toutes ses variations, nous aide à rentrer dans son secret et dans sa beauté, justement. À vouloir cesser de la vouloir belle tous les jours. Alors là, j'ai l'air de me contredire quand je vous dis que je m'émerveille tous les jours. Parce que, comment dire, mon idée, c'est pas de l'optimisme. Ça veut dire que tout va aller bien, on va toujours s'en sortir. Mon idée, c'est comment survivre à une époque difficile. C'est, moi, je survis en m'éblouissant d'un vol d'oiseau en plein milieu de la ville. Je survis en entendant un chant d'oiseau au milieu des embouteillages, en croisant un regard, un sourire, une personne, une vision qui me fait sourire. Je survis en sachant regarder, en arpentant la vie avec un regard de chercheur d'or. C'est ma façon à moi de survivre, en m'émerveillant tous les jours où que je sois, et de regarder. Parfois, il n'y a rien qui se passe. Et ben, je me dis, voilà, il n'y a rien. Mais ça n'existe pas un jour où je me suis pas laissée cueillir, où il n'y a pas quelque chose quand même. Et alors, elle ressemble à quoi, une journée de Blanche de Richemont? Aucune journée n'est la même. Hein. Donc, tu l'as compris, je n'aime pas trop les habitudes, mais la majorité du temps, je me lève, je médite, je prends le petit déjeuner avec mes fils, j'emmène à l'école. Après, je cours ou je fais du yoga. Et puis après, j'écris, je lis, je travaille. Et parfois, je vois Victoria pour parler de désert et de courage. Mais la majorité du temps, c'est ça. Ma journée basique, c'est... je commence la journée en nourrissant l'âme avec la méditation, le corps par le sport, le cœur par l'amour en embrassant mes fils. Et puis après, j'écris. Tu te lèves plutôt tôt, tu te couches plutôt tôt? Je me lève tôt et je me couche tôt, du coup. Parce qu'après, le soir, après avoir couché mes fils, je suis en silence. Je regarde par la fenêtre en silence. Et puis, je vais me coucher. Et puis, souvent aussi, je donne beaucoup de conférences. Donc, je traverse la France et le monde pour donner des conférences. Mais voilà, la journée basique, idéale de source, c'est celle-là. Et donc, toi, la vraie vie, entre guillemets, que tu t'es créée, c'est celle d'écrire, de parler en conférence et de publier des livres. Après avoir voyagé et t'être nourri du monde, comment finalement tu décortiques ton année? Entre les moments de voyage et les moments où tu es plus présente ici avec ta famille? Je les décortique pas, ça se présente en fait. C'est-à-dire je ne choisis pas parce que quand on m'appelle, je dis oui. Et parfois on m'appelle pas et j'écris et je me laisse surprendre. Je ne mets pas de règles, voilà, je me laisse surprendre. Ça se fait tout seul, voilà, entre les conférences, l'écriture, le voyage... Quand je me réveille un matin, j'ai une nouvelle idée et je la suis et j'y vais et j'ose et je vois comment ça peut coller. Et voilà, je n'ai aucune règle, à part celle de me coucher tôt, de me lever tôt et de méditer, de faire du sport et d'aimer. C'est déjà pas mal. Le désert, est-ce que tu as le sentiment d'en avoir fait le tour ou tu ressens encore le besoin, pas quotidiennement, mais de manière annuelle de t'y rendre? Non, alors j'ai décidé de ne plus limiter ma vie à mes besoins. C'est extrêmement difficile. D'être profondément libre, ce qui est la quête d'une vie, hein, donc je ne dis pas du tout que j'y suis arrivée, Mais non, le désert n'est pas un besoin. J'allais dire c'est une nécessité. pour rigoler. Mais non, c'est pas un besoin. Ça reste une évidence pour moi. À chaque fois que j'y suis, je suis chez moi, je suis à ma place. Mais encore une fois, le désert, je l'ai fait entrer en moi. Maintenant, j'ai plus besoin de partir pour y aller. Il m'accompagne où que je sois. Donc non, je suis pas du tout dans le besoin. Le besoin qui me reste, c'est encore de regarder le ciel. Si j'avais plus le ciel à portée de main, là, je sais pas comment. Il y a la lumière et le soleil. Je sais pas comment je ferais à portée de Dieu, je veux dire, parce que demain un peu moins. Mais non, j'ai pas besoin du désert. Il y a une chose fondamentale que tu as découverte dans le désert en t'habillant toi aussi comme un homme, à l'image d'Isabelle Eberhardt. Tu as découvert la puissance finalement qui résidait dans le fait d'être une femme, dans la féminité. Quelle est cette puissance féminine ? C'est une vraie question, la féminité, en ce moment, et je m'en suis beaucoup posé la question avec Isabelle Eberhardt, parce qu'elle s'habillait en homme et vivait comme un homme, et en parallèle, elle était une grande amoureuse, une grande sensuelle, hyper coquine, elle envoyait des lettres très coquines, je ne sais pas si tu te souviens, mais très coquine à son mari. Elle n'était dans aucune revendication autour de la féminité, autour du féminisme, et pour autant, elle vivait comme un homme. Et je me suis dit, mais tiens, c'est étonnant. Quand j'étais dans ma caravane de sel, j'étais habillée comme un homme pour que de loin on ne se rende pas compte que j'étais une femme. Et surtout, ce n'était pas ma place. Et donc, moi, je voulais prouver que j'avais beau être une femme, on pouvait m'accepter, que j'étais capable, etc. J'étais là à prouver quelque chose autour de ma féminité. Et au fur et à mesure du chemin, j'ai arrêté d'avoir quelque chose à prouver. Je me suis contentée d'être moi-même, un peu ce qu'a fait Isabelle. Et j'ai compris que c'était ça, la grande féminité, c'était d'être profondément soi-même, sans revendication, sans acharnement, sans colère. Juste être vraiment soi-même. Et qu'il y avait une forme de respect qui s'instaurait à ce moment-là. Et qu'on pouvait être profondément féminine et vivre comme un homme. Et qu'on n'a pas besoin de jouer à être comme un homme. Et que, de toute façon, les hommes et les femmes, pour moi, ils sont quand même assez différents dans leur sensibilité, dans leur approche de la vie. Et c'est tant mieux et c'est magnifique, quoi. Explorer ce qu'on est et rayonner de ce qu'on est profondément. Dans ce cas-là, ça peut être la virilité ou la féminité qui sort. Et je pense que c'est ça la liberté, en fait, de ne pas se définir par rapport aux autres. Pas se définir par rapport aux garçons, je veux être comme un homme. Non, je veux être comme je suis. Tu nous as beaucoup parlé de liberté. Et comme tu l'as dit aussi, Isabelle Eberhardt était une grande amoureuse. Toi, sur l'amour, tu dis, nous sommes dominés par quelque chose d'implacable. Il n'est même plus question de désir, mais d'addiction. Car il n'y a plus de liberté, plus d'élan spontané. Seulement une évidence insoutenable. Est-ce que l'amour, c'est une entrave à la liberté, finalement ? Quand vous avez des enfants, alors que vous menez une vie très vagabonde, c'est une question. Forcément. Donc moi, avant d'avoir des enfants, je ne restais jamais plus de 15 jours à Paris. J'étais tout le temps sur les routes. Et donc, je me suis évidemment posé cette question-là. Je crois que l'amour, c'est la plus grande des libertés. Parce que ça veut dire quoi, la liberté ? Pour moi, la liberté, c'est se soumettre à ce qui parle au plus fort de nous. Totalement. C'est pas faire ce qu'on veut comme on veut, non. C'est se soumettre à ce qui parle au plus fort de nous. Et ça demande une exigence totale. Et donc, je trouve que renoncer à des choses qu'on aime par amour, c'est magnifique. C'est la plus grande des libertés parce que plus on aime, plus on est porté par quelque chose de grand. Plus le monde prend une autre dimension. Donc, je pense que si on se pose la question de la liberté quand on aime, c'est qu'on n'aime pas vraiment. Pas du tout. De la même manière que je pense que le véritable amour rend l'autre libre. On fait des enfants pour qu'ils partent sur les routes, et la personne qu'on aime, si on l'aime vraiment, on lui dit « Pars puisque tu m'aimes et puisque je t'aime. Va vivre ton rêve et reviens. » Là, ce qui est intéressant, c'est se dire que le grand amour, c'est d'aider l'autre à se réaliser. Et après, pour que l'amour ne soit pas un manque à combler, un besoin à combler, une solitude à masquer, à colmater, mais vraiment deux cœurs pleins qui se retrouvent avec joie, parce qu'ils ne sont plus dans les manques et les problèmes et les peurs de la solitude. Tu y crois au grand amour, à l'amour d'une vie, comme a pu le connaître Isabelle ? Alors, Isabelle est morte à 27 ans. Oui. Donc, est-ce qu'il faut mourir jeune pour aimer jusqu'à la fin de sa vie ? C'est la question que je pose. Je crois à tout. Je crois que tout est possible. Je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment la grâce de s'aimer profondément jusqu'à la fin de leur vie. Je crois que le mariage a été inventé à une époque où on mourait à 30 ou 40 ans, donc nous, c'est 100 ans, donc c'est vrai que c'est un peu plus long quand même. Donc c'est un peu plus difficile, mais oui, moi je crois que tout est possible en fait. Après, c'est pas si simple, mais je pense que ce qui aide à aimer longtemps, c'est d'avoir une transcendance commune, c'est-à-dire d'être relié par quelque chose de plus haut que nous-mêmes, enfin, de ne pas attendre de l'autre qui vienne juste combler nos désirs, nos manques, et voilà, il faut être relié à l'autre par quelque chose qui nous grandit tous les deux, un espace où on peut se retrouver en dehors du désir, qui est quand même qui peut être éphémère, en dehors de savoir si je t'aime ou si je t'aime pas, si je te désire ou si je te désire pas, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. Je pense que ça, c'est nécessaire. Mais je connais vraiment des personnes qui se sont aimées d'un amour extraordinaire pendant 40 ans, pendant 50 ans, et d'autres à qui c'est jamais arrivé. Tout est possible. Blanche, qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire ? Le mot émerveillement, il m'inspire directement comme ça le mot source. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on s'émerveille, on va à la source. La source de la vie qui est un jaillissement perpétuel. À chaque fois qu'on s'émerveille, il y a au cœur de nous un merci. À chaque fois qu'on s'émerveille, on voit un peu de beauté. Et face à la beauté, on n'est jamais seul. Jamais je me suis sentie seule face à la beauté. Et donc, grâce à l'émerveillement, on peut aller à la source et jamais se sentir seule. Face à la beauté, on ne se sent jamais seule. Et est-ce que sans beauté, parfois on se sent seule ? Tu t'es déjà sentie seule ? Ah bah oui, comme tout le monde, et je me suis 100 fois plus sentie seule à Paris que dans le désert. Mais dans ces cas-là, je vais chercher la beauté. Il y a une histoire comme ça avec Isabelle Eberhardt, elle était avec son mari, ils se sont très fort engueulés, enfin une très grosse dispute. Ils se sont dit, écoute, on va pas y arriver, on n'y arrive pas, on n'a qu'à mourir ensemble. Alors elle dit, écoute, on va pas se tuer là, ce gourbis un peu moche, c'est un peu triste, on va salir tous les murs. Allons nous tuer sous un arbre dans la lune, face sous les étoiles. Tu te rappelles oui, de cette scène ? Oui, je me souviens. Donc ils prennent le pistolet de Slimane, ils prennent de l'anisette, ils prennent des cigarettes et puis ils vont là sous l'arbre. Ils boivent un coup, ils fument, ils regardent les étoiles, c'est magnifique. Et puis elle commence à dire des poèmes, et puis ils commencent à dire des poèmes. Et au fur et à mesure, ils disent des poèmes en buvant de l'anisette et puis ils s'endorment. Et ça leur a fait complètement passer l'envie de mourir. La beauté et la poésie du monde qui fait passer l'envie de mourir. Ça les a sauvés. Ça, j'y crois. Et surtout, il y a cette question, pourquoi vivre ? Là, j'ai emmené mes fils dans le désert, on revient du désert marocain, et alors qu'on était sous les étoiles, mon petit garçon me dit, maman, de 10 ans, me dit, maman, pourquoi on vit ? Oh là ! Oula. Je dis, écoute, moi, je pense qu'on vit pour la beauté du geste, sans raison, gratuitement. Mais qu'est-ce que j'en sais, si elle est bonne ou pas, ma réponse ? En revanche, pourquoi vivre, je ne sais pas, mais comment vivre ? Et ma réponse, qui fut aussi celle d'Isabelle Eberhardt, c'est en se jetant dans la beauté du monde. Magnifique. Écoute Blanche, on arrive à la question signature du podcast. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Cette phrase de la maître soufie Shehrannour, quand elle a... C'est la première fois qu'une femme, maître soufie, prend la direction d'une confrérie soufie à Istanbul, en Turquie. Et donc, c'était un enjeu énorme parce qu'elle savait que ça allait être très compliqué en tant que femme de prendre la tête de cette confrérie soufie. Et son maître lui a dit « Sois courageuse, n'aie pas peur, tu vas réussir. » Et ce sont ces trois phrases-là que je voudrais livrer comme message. « Sois courageuse », c'est-à-dire « Ose la voix de ton âme envers et contre tout. » N'aie pas peur, ça veut dire tu sauras traverser. Ne laisse pas la peur guider ta vie. Va plus haut. Et tu vas réussir, ça veut dire quoi qu'il arrive, tu sauras traverser. Tu sauras te relever. Magnifique. Merci beaucoup Blanche pour tous ces partages. C'est merveilleux. Merci Victoria. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Œil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.